Monsieur Albert reboutonne sa veste. Sur sa tête, il rajuste son chapeau. Puis il sort, ni trop lent, ni trop preste, dans le brouillard qui baigne ce matin palo. Du même pas, il atteint sa voiture. D'un air détaché de sa poche, il sort ses clés. Sa main tremble un peu pour atteindre la serrure. Un peu de peur et le prix à payer. Celle s'il avait vraiment payé en haleine. Depuis le temps qu'il rêvait de l'aborder, il l'avait suivi depuis une semaine. Et au petit jour à sa porte, s'était décidé à sonner. Le risque en avait valu la peine. Son cri de stupeur horrifiée avait si bien su l'irriter. Elle avait si bien su attiser sa haine. Elle était mignonne à croquer, morceau de choix pour un boucher en vérité. Semblant de poulet, de tout qu'il le sent, c'est elle la plus méprisante. Mais elle est mignonne à croquer, morceau de choix pour un boucher en vérité. Right now, this is mute and the binder is on.